les sentiments s'entrechoquent dans la tête de Marie, s'imagine en cloque, vivant pleinement sa vie. Elle défie la vie en solitaire, au bras d'un bel inconnu, se sentant seule sur terre, elle attend sa venue. Et elle y pense jour et nuit. Qui sera l'ange qui réveillera sa vie? Les images dansent dans la tête de Marie. Son cœur balance et s'ennuie sans lui, sans lui. Elle s'imagine un voyage, une croisière sur le Nil, un amour qui fait naufrage, un au revoir, un exil, et des grandes plaines d'Afrique, au climat des banlieues, rien n'arrêtera Marie, éperdument amoureuse. Et elle y pense jour et nuit. Qui sera l'ange qui réveillera sa vie? Les images dansent dans la tête de Marie. Son cœur balance et s'ennuie sans lui, sans lui. Toute seule le soir, dans les bras de Morphée, toujours pleine d'espoir, elle rêve de l'homme parfait. Et dans ses cauchemars, lorsqu'elle ne rêve pas, Marie s'imagine devenir dame au chat, dame au chat. Et elle y pense jour et nuit. Les images dansent dans la tête de Marie. Son cœur balance et s'ennuie, s'ennuie.